Chapitre 44e, ventre ouvert. Avec l'aide des infirmiers et de gardiens appelés, en faisant maintenir à terre par les bras, par les jambes, Fungati, comme un animal redoutable qu'on va opérer, il parvint à faire absorber aux patients quelques gorgées de calmants. Fungati les rejeta aussitôt. Le docteur lui fit alors de fortes injections de morphine. Cela parut apporter un peu de soulagement à ses souffrances. Il cessa de se débattre, de se tordre. Il ne hurla plus si violemment, mais il poussait inconsciemment une plainte longue, douloureuse, de bête blessée à mort. Enfin, comme il était épuisé, il demeura étendu de son long à terre, sans mouvement de bras, de jambes, laissant seulement, à travers ses vêtements déchirés, octer sa poitrine large, admirablement musclée, que ses ongles avaient profondément labouré de sillons rouges. Les infirmiers, sur un signe du chef de la sûreté, le soulevèrent et le déposèrent sur le lit de fer. Fungati alors tourna la tête vers les magistrats. Il reconnut le chef de la sûreté et peut-être aussi M. Urbain. Ses yeux cherchèrent dans la pièce quelqu'un de plus parmi les personnes qui l'entouraient. Puis, ne l'apercevant pas, il demanda « Lui ? » fit-il. « Qui ?» interrogea le juge d'instruction, feignant de ne pas comprendre. « Lui ! » Les magistrats ne dirent rien encore. « Lui ! » s'écria alors Fungati. « Lui, Paulin Broquet !» Les magistrats ne répondirent rien. Fungati se dressa à demi sur son lit. « Il n'est pas là ?» s'écria-t-il. « Il n'est pas là. Il ne peut venir. Alors, lui aussi. Elle aussi ?»« Qui est elle ?» demanda M. Baumier. « La femme rousse. » Les magistrats, de nouveau, gardèrent le silence. Fungati, alors, avec un grand geste, s'écria triomphalement. « J'ai donc enfin réussi. Ah, il souffre lui aussi. Il est en train de mourir comme moi. Elle aussi, elle qui a détruit la beauté que je regardais comme le soleil de ma vie, elle va mourir. » Et dans quelle souffrance, pareille aux miennes. Puis, plus doucement, il n'y a qu'un remède. J'ai voulu le donner à Paulin Broquet. Je lui ai changé contre sa vie, contre la vie de la femme rousse. Paulin Broquet, qui se croit le plus malin, le plus fort des hommes, a refusé. Il a cru qu'il pourrait échapper, et qu'il me tiendrait quand même. Il souffre maintenant, et il crie. Et il se tord dans des douleurs près desquelles les flammes de l'enfer sont des caresses d'éventail. Il va mourir comme moi. » Au docteur, il ajouta, « Docteur, pour la prochaine fois, sachez que le seul remède possible, c'est de faire prendre tout de suite de l'huile, du pain huilé, de la croûte frite dans l'huile. Il n'y en a pas d'autre. De l'huile tiède en quantité. Mais maintenant, pour nous, eux et moi, il est trop tard, trop tard. Tout ce que vous ferez n'empêchera pas le destin de s'accomplir. La mort vient. La voici, la mort, la mort. » Il eut une crispation nerveuse, comme si la souffrance s'emparait de lui de nouveau. Et il cria avec joie encore une fois. « Rien au monde maintenant ne pourra sauver Paulin Broquet. Allons, j'ai réussi. Ah, voilà un beau jour pour Zigomar. » Fungati partit d'un grand éclat de rire. « Plus de Paulin Broquet, fini Paulin Broquet !» Mais ce rire trop bruyant tout à coup cessa. Fungati, comme mu par un ressort, se dressa. Il sauta brusquement du lit et se trouva sur ses pieds. Il semblait maintenant effaré, épouvanté. « Lui ? » dit-il d'une voix étranglée. « Oui, moi. Paulin Broquet. » Le détective venait de pénétrer dans la pièce. Il marcha tranquillement vers le lit. « C'est peut-être un bon jour pour Zigomar, » dit-il, « mais ce n'est pas non plus un trop mauvais jour pour la justice. » Et comme Fungati le regardait avec effroi, comme s'il eût eu en face de lui non Paulin Broquet, mais son ombre, un revenant, le détective lui dit « Vous vous trompez, Fungati. Il est d'autres remèdes que le vôtre. Vous le voyez, j'en apporte la preuve. Mais Sidon est sauvée également. Elle pourra encore, quand cela sera nécessaire, châtier la belle Flore. Mais Sidon est comme moi, saine et sauve. Votre vieux camarade Simon, le paisible marchand de papier peint, n'a aucun mal. Et ce brave géniaux que vous pensiez sans raison aucune, enlevé à sa famille, ne se souvient même plus, au milieu de ses enfants qui vous aimaient beaucoup, qu'il a frôlé de si près la mort la plus épouvantable, la mort qui va vous châtier, car vous l'avez dit, il est trop tard pour vous appliquer votre remède, et le mien serait absolument sans effet. Il faut le prendre, comme nous l'avons fait avant l'attentat. Ce n'est pas toujours facile, convenez-en. Mon remède, cependant, est bon, vous le voyez. Vous auriez dû savoir que quand on emploie une arme aussi vile, aussi lâche, aussi perfide que celle dont vous vous êtes servi pour nous assassiner, il faut au moins la bien connaître. » Fungati, pendant ces paroles, peu à peu s'était ressaisi. Il tenta de faire un pas vers Paulin Broquet. Il étendit les bras violemment en avant, comme pour le prendre à la gorge, le frapper. Paulin Broquet ne bougea même pas, ne fit pas un mouvement, pas le moindre geste de défense. Mais Fungetti, soudain, au lieu de poursuivre sa marche, s'arrêta net. Après une seconde hésitation de lutte avec soi-même, il se tordit, se renversa en arrière, et en poussant un cri terrible, il retomba à terre. Alors le spectacle fut plus horrible que tout à l'heure. Fungetti acheva de déchirer ses effets, de s'élaborer la poitrine, le ventre. Ses instincts étaient maintenant percés de mille dards insaisissables et durs comme des pointes d'acier. Il lui semblait vraiment que du plomb fondu circulait en ses organes. La douleur était telle qu'en se roulant, il se mordait les poings, qu'il saisit ensuite à pleine mâchoire un des pieds du lit, et qu'il y cassa dessus ses dents à vouloir le mordre. Il se tordait par terre, sautant, faisant des bonds en creusant ses reins. Il retomba parmi les débris de poterie, de verre. Il se blessa, se coupa sans paraître seulement, sans être aperçu. Puis, dans un mouvement rapide, il s'empara d'un morceau pointu et tranchant comme un rasoir de la carafe brisée tout à l'heure. Avant qu'on ait vu, avant même qu'on ait pu comprendre seulement son geste, Fungetti se servit de ce morceau de verre comme d'un poignard, d'un couteau. Il s'en frappa fortement, le plongea en entier dans son corps et le tourna dans la plaie. D'un coup large, vigoureux, il s'ouvrit le ventre entièrement. Dans la plaie atroce, épouvantable, il entra ses mains. Poussant un cri de triomphe, de joie, de délivrance, il arracha ses intestins et les répandit autour de lui. Alors, comme si l'étalage de cette boucherie ignoble, l'accomplissement de cet affreux suicide, ce harakiri atroce, lui apportait un soulagement délicieux, il cessa de hurler, de se tordre à terre. Son corps convulsé se détendit. Il tourna les yeux vers les magistrats qui étaient demeurés comme figés dans l'épouvante. « Paulin Broquet, » dit-il, « non, tu ne mourras pas. » Il eut la force de crier « Vive Zigomar !» Puis sa tête retomba, plus calme. Il sembla retrouver un sourire dans son horreur. « Flore, » murmura-t-il, « my Flore, love. » Et il mourut.